Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ouais. Eh oui, comme chaque semaine, on va se marrer avec la fine équipe. Alors, à ma droite, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM, le Terra Nova de la radio, Bob du club. Salut les filles. Salut. Toi, tu vois des nouvelles séries, toi. Malgré tout ça, je suis revenu. Et oui. Pourtant, on avait envoyé des fleurs pour tes obsèques. Je sais, oui. T'as mis de l'eau dessus. C'est Eve qui l'a reçu. Elle était contente. Aux côtés de Bob, comme elle, chaque semaine. Elle a une fausse joie, surtout. Elle a une fausse joie. Ouais. Bob, il a un partenaire dans l'émission, vous le savez, ils sont inséparables. Oh là là. Comme les Dupont et Dupont. Les Canaries, on les appelle. Il a donc une collection de blagues incomparables. Toutes les radios nous l'envient. C'est vrai. Non, il a une collection de blagues incomplètes. Oui, aussi. Maurice. Ah oui. Bonjour à tous. Face à cette équipe, nous avons un permanent également dont nous attendons l'actualité scénographique très bientôt. Laquelle ? Je vais jouer dans une pièce écrite spécialement qui parle de ma relation avec Maurice. Ah, ça s'appelle comment ? Ma main dans ta gueule. Frédéric Coster. Ah, oh, très bonne émission. Et donc, un nouveau qui est là maintenant depuis 2 semaines, et qui on a remarqué... Mais ça va être très dur pour lui, parce que cette semaine, il ne pourra pas dire du mal de moi, on est dans la même équipe. Non, on l'a mis en face de Maurice. Ah oui, ah bah, ça va, il va se déchaîner. Julien. Ah. Bonsoir. Mission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Oh, bravo. Ah, bravo, Davy. Et animé par Philippe Bello. On s'en excuse à l'avance. Très bien, alors. Bon. Alors, cher Frédéric, comme chaque semaine, tu nous as amené des invités. Et oui, et une fois n'est pas coutume, ce sont des comédiens d'une pièce de théâtre que nous recevons cette semaine. Enfin, une partie de l'équipe. C'est une pièce à 2 personnages. Ils sont plusieurs à se relayer pour les jouer. Ce soir, on reçoit Stéphane et Florine qui viennent nous parler de Mars et Vénus. Oh, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas entendu la petite voix de Florine. Bonsoir. Ah. Ah. Alors, Florine, ne t'inquiète pas. Hein, on l'a mise à côté de Bob, mais oui. Frédéric a quelque chose d'important à te dire. Donc, tu as Maurice d'un côté et Bob de l'autre. Donc, ne t'inquiète pas, parce qu'il y en a un qui ne s'intéresse pas et l'autre qui ne peut plus. Donc, tu ne risques rien. Sacré défi. Hein. Malin. Donc, la pièce Mars et Vénus, qui se joue où ? Au théâtre de la Grande Comédie. Oui. Non, faites pas foirer la promo de Maurice. Oui, parce que Maurice est là pour faire la promo. C'est Maurice qui va faire votre promo. Alors, je laisse Florine. Hein. Ah non, vas-y Maurice. Alors ça se joue cette pièce, Maurice. Alors ça se joue au théâtre de la Grande Comédie qui se trouve 40 rue de Clichy dans le 9e arrondissement. Mais par contre, je me rappelle pas les jours. Du mardi au dimanche. Ah, du mardi au dimanche, voilà. Ah. Donc là, Mars et Vénus, c'est une comédie, on l'a compris. Tout à fait. Et alors le pitch de la pièce, c'est toi Stéphane qui nous l'a fait ? Alors, en gros, on reprend toutes les étapes de la vie du couple, de la naissance, de la rencontre jusqu'à la naissance. Ah. Voilà, avec des mises en situation, des sketchs, et tout ça relayé par 2 animateurs télé. Donc, il y a un concept dans la pièce d'une émission de télé. D'accord. Et donc, comme l'a dit Frédéric, vous vous relayez. Donc, il y a une distribution en alternance dans cette pièce. Ouais. Vos autres petits camarades, c'est qui ? Il y a Pierre-Étienne Onraillet pour le rôle masculin. Pour les filles, il y a Blandine, Claire et Aurélie. C'est ça. Et la mise en scène, on dit tout le monde quand même. Mise en scène, Caroline et Sébastien Sippers. D'accord. Donc, c'est une pièce marrante en fait. On n'est pas là pour se prendre la tête, grosso modo. Du tout. Oui. Nous, on se marre beaucoup. Parce qu'en fait, il y a une partie interaction avec le public, donc ce qui amène quelque chose en plus. Et c'est vrai que c'est là où on se marre bien parce que les gens parfois ont des réponses un petit peu bizarres. D'accord. Voilà, notamment sur les petits noms, sur les lieux où ils se sont rencontrés. Et c'est assez. Donc on improvise en fonction de leurs réponses. Donc en général, on se marre bien. On se marre bien, ouais. Ah, je vois ça. Bon, dans la soirée, bien sûr, vous nous ferez des petits extraits du spectacle, puisque comme on l'a compris, il y a plein de petits sketchs dans ce spectacle. Mais on doit vous avouer quand même que dans cette émission, vous allez voir, il y a un petit peu de tout à boire et à manger. Vous verrez qu'il y a des jeux, qu'il y a des tournées de blagues, des blagues envoyées par des auditeurs que Maurice racontera, des flashs très spéciales. Alors, c'est une appellation protégée, donc c'est pour ça qu'on n'accorde pas, que Frédéric est en train de réviser. Je m'excuse d'avance. Enfin, je demande aux auditeurs par avance de bien vouloir m'excuser de me commettre. Et des épreuves. Mais cette émission est une épreuve. La première de la soirée, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui. Attends, excuse-moi, avant que tu le fasses, je prépare les flashs très spéciaux. Qu'est-ce que tu prends? Des cachets, parce que j'ai mal à la tête par avance. Donc, oui. Excuse-moi, je t'ai foiré ton effet, Pierre Belmar. Ah oui, alors car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Et pour que nos auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de l'avancement de l'émission les points que vous allez marquer, puisque vous l'avez compris, il y aura des points à marquer avec deux très bons joueurs dans chaque équipe, Bob et Fred. Ouais. Il faut donc baptiser l'équipe adverse. Alors, je sais que Bob est toujours très prolifique en termes de baptême. Oui. J'ai trouvé, puisque c'est Mars et... Oui. Et on va les appeler le vide sidéral. Ah oui. Bon. Ah oui. Oui. Et bon. Ça l'a fait rire, celle-ci. Public. Ah bah bravo. Oui. On pourrait peut-être partir sur le trou noir, hein, pour notre part. Ça, tu vois avec Maurice. Hein. Eh ben, il est dans ton équipe. Non, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. C'est complet. Ça commence. Voici la première question. Alors attention, c'est la première équipe qui donne la bonne réponse qui marque le point. Attention. Je suis un journaliste, réalisateur de télévision. J'ai mis au point et présenté le premier journal télévisé français. Pierre Sabag. Bonne réponse de Frédéric. Bravo. Voilà. Et alors quelque chose qui vous concerne plus et qui nous concerne plus tous autour de cette table, qu'a créé Pierre Sabag, une émission fort au connue. Au théâtre ce soir. Fameux au théâtre ce soir, mais je crois que vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Avec Jacqueline Maillan. Vous êtes trop jeune, hein, vous n'avez pas connu au théâtre ce soir. Oui, et ça veut dire que nous on est trop vieux parce qu'on l'a connu. C'est ça. Rappelle-nous de non, qui vous était. Non, vous êtes trop vieux parce que vous vous en souvenez plus surtout. Les décors et les costumes. Ah, de Roger Hart. Oui. Et les costumes. Canwell. Oh. Je suis pas le seul à cracher mes chips. Hein. De Donald Cardwell. Oui. Ah oui, une émission, émission mythique. Hein, ah oui. Au théâtre ce soir. Ouais. Ouais. Bon, tout le monde s'en fout. Oui. Ça vous permet quand même de marquer un point, ce qui est déjà très bien. Et alors, avant toute chose, je voudrais quand même que Maurice, ici présent, nous rappelle son adresse email. Alors, c'est radio.ovsm@gmail.com. Voilà, car chaque semaine, Maurice reçoit donc des blagues d'auditeurs. C'est un enfant qui sort de l'école en pleurant. Une dame lui dit « Pourquoi pleures-tu, mon garçon ?» Il faut le faire en pleurant. Oh, ta gueule, toi. Non, ne distrais pas Maurice. Non, parce que le problème, c'est que Maurice, il a du mal à jouer les personnages. Il a du mal tout court. Je joue pas, voilà. Non. Alors vas-y, alors par contre tu serais gentil de t'adresser quand même aux invités hein, parce mais que non, mais c'est là, pas une devinette. C'est pas une devinette là, on s'en fout. On recommence. Voilà. Un enfant sort de l'école en pleurant, une dame lui dit: "Pourquoi pleures-tu mon garçon ?" L'enfant lui répond: "Parce que j'ai de grandes oreilles madame." Parce que mon on n'a rien compris. On n'a rien compris. Non, mais arrêtez de le couper. Parce que c'est pas fini. Elle va durer deux plombs. Ben non, il n'y avait rien de drôle, là. Ben, même quand il aura fini. Hein. Bon, enfin, vas-y. Il n'y a jamais... Bah alors, à la limite, arrête-toi là, parce que c'est drôle. Non. Alors. Un enfant sort de l'école en pleurant. Une dame lui dit: "Pourquoi pleures-tu, mon garçon ?" L'enfant répond: "Parce qu'on me dit que j'ai de grandes oreilles." La dame lui dit gentiment: "Ne pleure pas, mon lapin." Oui, elle est bonne. Non, c'est Julien qui avait raison, il fallait s'arrêter là. Bon, vous êtes en train de vous foutre de la poire de Maurice, mais attention, juste après cette courte pause, ça va être à vous. Ah, parce que ça sera la première tournée de blagues. Donc restez avec nous, on revient avec Florine et Stéphane de l'équipe de Mars et Vénus. Retour, on va se marrer avec Florine et Stéphane de la pièce Mars et Vénus, actuellement à l'affiche à Paris. Au théâtre La Grande Comédie, qui se trouve 40 rue de Clichy, à Paris 9e. Et c'est tous les mardis et au dimanche à 20h. C'est métro Clichy, Trinité ou Liège. Bon, eh bien, puisque vous savez où aller au théâtre, voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Si on commence par Maurice. Deux serpents se rencontrent. Quelle heure est-il ? Non. Bravo. Mais si. Elle est bonne, là ? Bah oui. Ah, bravo. Alors Florine, c'est Florine. À toi. Ok, alors c'est l'histoire d'un mec qui gagne au loto. Et donc là, il se met à crier dans l'appart, chérie, j'ai gagné au loto, super, j'ai gagné la cagnotte, chérie, vite, va faire tes valises. Et donc là, sa femme arrive super excitée. Oui, mais c'est génial, chérie, c'est génial, mais qu'est-ce que je fais comme valise? On part où? Je fais les valises d'été ou d'hiver? Les deux, tu repars chez ta mère. Et c'est tellement vrai. Une petite fille à son maître nageur. Ah. C'est vrai, monsieur, que si vous enlevez un doigt, je coule. Oui, oh, non, non. C'est pas parce que Gégé est pas là qu'il faut le remplacer. Alors, c'est un routier. Ah. Ah. Nos amis routiers, Maurice. On les salue. Ils sont sympas. C'est un routier qui arrive au péage de l'autoroute et qui voit une autostoppeuse sur le bord de la route. Alors, il décide bien sûr de s'arrêter et de la prendre en stop. Eh, hey, tu montes, chérie. Les voilà tous les deux partis sur l'autoroute Paris-Lyon. Et pendant le trajet, la jeune demoiselle demande au routier « Ça vous dérange pas si je me mets un peu à l'aise ?» C'est la sœur de Maurice. Non, c'est Maurice. Ah bah allez-y, faites comme chez vous, dites donc. Alors qu'elle enlève son dessus. Mais dites donc, j'ai très chaud dans votre poids lourd, vous avez mis le chauffage ou quoi là? Ça vous dérange pas si je me déshabille complètement? Bah allez-y, vous êtes chez vous, allez-y. Il y a de la buée sur les vitres. Alors une demi-heure après, tant malgré... Tant que c'est de la buée, c'est pas grave. Malgré la provocation de la jeune fille, à moitié à poil dans le poids lourd, le routier reste de marbre. Ah. La jeune fille est très déçue, décide d'arrêter de provoquer le routier. Ils arrivent à Lyon et elle descend du camion. Le routier s'arrête dans le premier bar qu'il trouve sur le bord de l'autoroute. Il va au comptoir et demande « J'aurais 10 bières !» Oui, bon, d'accord. Le routier s'empresse de boire les 10 bières les unes derrière les autres. Retourne dans son camion pour poursuivre sa route. Et puis une fois dans le camion, il regarde sa queue. Il dit non, tout à l'heure, t'as pas voulu bander jusqu'à Lyon. Et ben là, tu pisseras pas jusqu'à Marseille. Alors, Fred, c'est à moi. Attends, oui, est-ce que tu peux dire château fort? Château. Voilà, c'est tout. Oh non. Bravo. Non, j'ai dit château fort. C'est mauvais. Ouais, mais moi ça me fait rire tellement c'est con. Voilà. Alors, c'est pire maintenant. Stéphane, à toi, Stéphane. Alors, une vieille épouse, c'est comme des pantoufles. On est bien dedans, mais on n'oserait pas sortir avec dans la rue. C'est la vie de Bob. Et enfin, Julien. Alors, comme il faut penser un petit peu à toutes les communautés qui nous écoutent, on a eu les camionneurs tout à l'heure, on va avoir les homosexuels. Quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel? L'intellectuel a le petit Robert dans la tête et l'homosexuel a le gros Robert dans le cul. Eh ben bravo. Ah ben là-dedans, hein. Ben, elles sont light. Florine est consternée. Ah non, elles sont light, hein, c'est incroyable. Non mais moi je vous le dis, parce que je la vois en face de moi, Florine est consternée. Ben oui, la Stéphane, peau. Stéphane, je vois pas parce que je comprends rien de mot. Il ne se prononce pas. Bon. Bien. Alors, puisqu'on est dans les blagues, vous savez que donc vous l'avez compris. Non mais restez, partez pas, restez. Vous savez que Maurice, donc, vous l'avez compris, a donc plein de blagues à son chapelier. On peut pas dire à son actif. Ah, oh, j'en ai marre, il me pique tout. Alors, il y a la roulette russe. La roulette russe que l'on lance, je donne des mots qui correspondent à des blagues fétiches de Maurice. Vous dites top quand vous voulez et à ce moment-là, automatiquement, Maurice raconte cette instantanément. Blague. Instantanément. Ah oui. Sans ses notes, il vous raconte cette blague. Alors, la première roulette russe, on va la laisser choisir à Florine. Donc, tu dis top quand tu veux et Maurice te raconte sa blague fétiche. D'accord. Attention, top roulette russe. Poussin, Maya l'abeille, araignée, ostréiculteur, sex shop. Top. Ah. J'ai pas, sans réfléchir. Ah bah, au hasard. Alors Maurice, je remarque que celle-ci, elle marche bien parce qu'on te la elle demande. Elle est vraiment branchée quand même. Et on te la demande souvent celle-là. Hein. Oui, elle est branchée, hein, sex shop. Hein. Allez, vas-y, on t'écoute, Maurice. Alors, ma chère. Bah, c'est pas toi qui as mis la prise. Hein. Non. Ma chère Florine. Voilà. C'est Caroline qui rentre dans un sex shop et qui demande. Au vendeur, est-ce que vous auriez des godemichets? oui, ça, on en a des grands, des petits, oui. Électriques, à piles et tout. Lequel que vous voulez? Oh, ça c'est pas lequel français. Lequel que vous voulez. On dirait du Claude Sarraute mal fait. Lequel désirez-vous? Ah oui, là c'est mieux comme ça, oui. Ça, oh là là. Oui. Ah oui, c'est mieux. Là c'est mieux. Ah, lequel désirez-vous, madame? Refais la question. Il y a une épidémie. Il y a une épidémie de Maurice aiguë. Refais la question. Non, c'est bien. C'est comme ça. C'est plus vivant. C'est vrai. C'est plus vivant. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors le vendeur lui dit. Pas pour longtemps. Lequel désirez-vous? Oui, mais t'as la question de la dame aussi. La question de la dame. Oui, de la dame, bien sûr. Alors la dame. Mais t'as vous allez le jouer non, avec il Florine. Il s'agit pas de répéter. Non, ce non. Dit Philippe. Non. Florine, fais la cliente. Voilà. Oui. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Je bonjour voudrais madame. Un Godemichet, s'il vous plaît. Un Godemichet, oui. Lequel? De quel format et tout? Alors justement. M'a dit qu'il y en avait des à pile, des à poil, des enfin de tout. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors moi, ce que je vous conseillerais, le plus gros. Non, mais pas horrible. Et si, parce qu'elle connaît pas la chute. Mais attends. Ah, on recommence. Mais oui, vous avez inversé les rôles. Alors, je vois que vous avez plusieurs couleurs, Maurice. Oui, oui, il y a plusieurs couleurs. Donc, moi, j'aime assez le rouge. Lequel, rouge, le, rouge, le rouge? Lequel? Il y a plusieurs rouges. Oui. Rouge, le gros rouge, hein. Ah, le gros rouge que vous voyez là-bas. Là-bas voilà, celui-là. Ah, on est désolé, mademoiselle, parce que ça, c'est les stunters. Bravo, Florine. Ah oui, non. Bravo, cette version. Ouais, elle est très bien. Ouais, bonjour, Eva, parce qu'il y a qu'un deuxième client qui vient pour la même chose. Alors, Stéphane. Saint-Stéphane lui prend la série entière. Enfin, dans tous les cas, c'est du gros rouge qui tâche. Hein. Tu me demandes l'extincteur. Oui. La femme écoute, Stéphane? Non. Ah bah ça va alors. Ça va. Donc juste, attention, parce que juste alors, après cette courte pause, maintenant que Maurice a bien assuré, juste après cette courte pause, c'est vous qui allez assurer, puisqu'on va vous demander de monter sur la scène dont on va se marrer, pour un petit extrait du spectacle quand même, puisqu'on attend ça depuis tout à l'heure. Donc restez avec nous, Mars et Vénus, Florine et Stéphane montent sur la scène dont on va se marrer, juste après ça. Retour dont on va se marrer. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous Florine et Stéphane qui nous viennent à l'occasion de la pièce Mars et Vénus. On l'a compris, c'est une pièce où on pleure, où on s'ennuie. Ah, c'est de la tragédie grecque. Voilà. Et donc, comme nous sommes sur France Culture, nous vous proposons tout de suite en direct un extrait de cette pièce avec Florine et Stéphane. Ouais, bravo. Chérie, elle le prend pas mal, hein, mais j'aimerais bien que t'arrêtes d'enlever tes chaussures dans le salon, s'il te plaît. Oh putain, tu daubes. Attends, j'ai les yeux qui me piquent, là, je te jure. Et putain, il y a le papier peint qui se décolle, là-haut, et ouvre la fenêtre, fait quelque chose, là, je sais pas. Bah non, écoute, chérie, je vois pas pourquoi je le prendrais mal, hein. Après tout, c'est bien moi qui fais tout ici, toi, tu laisses tes caleçons crates traîner sur le carrelage de la salle de bain? Comment tu crois que ça se passe, hein? Qui se désintègre tout seul? Tu crois peut-être que c'est la petite souris? Oui, la petite souris qui les prend la nuit, hein, pour les mettre dans la banette ou le lave-linge? Mais les ramasser, les mettre dans le linge sale, ça te coûterait quoi, franchement? Faire deux pas et demi de plus dans la direction opposée? Oh, oui! Oh, oui! Ah, mais non! C'est trop dur, hein, c'est ça? C'est peut-être les traces de freinage dans le slip qui t'en empêchent? Par contre, que moi je le fasse, ça c'est normal, hein? Je me tape une journée de boulot de merde, je rentre, je suis crevée, je me tape encore la bouffe, la table à mettre, et toi, la putain, tu me fais chier parce que j'ai retiré mes godasses dans le salon! Tu vois, je peux rien te dire. Tu te braques. Non, je ne me braque pas. Mais sache que je ne suis ni ta bonne, ni ta mère. Ça, c'est comme pour les toilettes. Les toilettes, qu'est-ce que j'ai fait, chérie? Je tire la chasse, hein. Oh, oui, bravo, c'est bien de tirer la chasse. Pipi, chasse économique, grosse commission, chasse normale. Oh, mais c'est bien, dis donc. Par contre, pour la brosse à chiottes, si tu sais pas comment s'en sert, je peux te montrer. Mais je rêve. Bon, par contre, Bob, fais gaffe, elle a du mal à sortir du rôle. Je crois qu'elle va t'en coller. Non, j'avais l'impression d'être à la maison. Donc la suite, Maurice. Alors la suite, vous allez au théâtre La Grande Comédie. On démarre instantanément. Oh là, heureusement qu'on est enregistré. Mais Maurice, c'est un diesel, exactement. T'as dit. Alors, je pars au ralenti. La suite, Maurice. De Mars et Vénus, c'est au théâtre La Grande Comédie, 40 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement à Paris. Fred. Et c'est quand? Et c'est du mardi au dimanche à 20h. Bon, si la promo n'est pas bien faite, faut le dire, hein, faut pas hésiter. Non, c'est bien, c'est bien. Juste le dimanche, c'est à 17h. Voilà. Ah, mais bah, super! Ah, bah non, alors. Ah, ah note, hein, Maurice. Note, Maurice. Moi, on m'a dit 20h. Le samedi, il y en a deux, 17 et 20. Exactement. Donc, en fait, tout le monde s'y retrouve un petit peu dans cette pièce. À un moment ou à un autre. Bah, surtout les couples. Oui. Oui, non, mais je veux dire, tout le monde a. Sur tout le texte, on a tous vécu au moins un moment de la pièce, quoi. Au moins un. C'est ce qu'on a souvent d'ailleurs dans les critiques. Les gens se retrouvent dans les situations de couple. Du quotidien. Oui. Là où c'est plus grave, peut-être, c'est ceux qui se reconnaissent dans chaque scène. C'est vrai. Là, je crois qu'il faut faire un divorce à la fin. Oui. Mais alors, vous en rajoutez un petit peu toutes les semaines. Il y a des choses qui sont des choses nouvelles ou des nouveaux sketchs ou des en fonction de la. Non, c'est plutôt. Bah, c'est... On a une base qui est écrite, mais effectivement, par rapport aux interactions qu'on a avec le public, c'est là où on peut se permettre d'en rajouter, d'amener nos propres choses qui ne sont pas écrites dans le texte, en fait. Voilà. Alors, puisque vous parlez de couple, moi j'ai un jeu qui s'appelle T'es pas cap. C'est un jeu tout simple. Si, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un jeu d'enchères entre les deux équipes. Et je vais vous demander quelque chose de rapport avec les couples. C'est combien, à votre avis, êtes-vous capable de me citer d'ingrédients qui rentrent dans la recette du clafoutis traditionnel? Eh ben parce que les couples font des clafoutis. Ah oui, mais tous les couples. Les femmes, les clafoutis, oui, j'ai bien connu. Quand tu rentres à la maison, tu fais un clafoutis tout de suite. Non, c'est ça. Alors, l'équipe du trou noir. Vous êtes... 4. Alors, 4. Alors, je vais quand même vous dire combien j'en ai. Hein. Mais nous, on a une fille une, avec nous. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas mal. 5. C'est pas mal de choses, ça, peut-être. Vous m'auriez demandé la quiche Lorraine, à la limite, mais le clafoutis. J'en ai 6. Ah, bah, des dents, mes compliments. Donc, en fait, on peut pas dire plus que 6, parce que sinon. Alors, eux, ils ont dit 4. Hein. Ils ont dit 4. Hein. Est-ce que vous avez 5 ingrédients pour le clafoutis? Vous clafoutis traditionnel. Traditionnel, attention. Hein. Attention, c'est avec pas des cerises. Hein. Mais Maurice, il y en a plein de ça. Ah oui, j'ai un celui-là. Alors, il faut en trouver. Mais en plus. Il a essayé de mourir dans la farine. Ah, merde. Oh, quelle tête d'œuf. Bon, allez, on leur laisse. On les laisse, allez. Ouais. Alors, pas plus de 4, hein, c'est bizarre, c'est pas bon. Alors, donc, vous, déjà, vous savez me citer 4 ingrédients. Florine. On vous écoute. Les cerises. Oui. Bah, alors, en partant du principe qu'on fait la pâte nous-mêmes. Ah oui, bien sûr. Oui. Les cerises, le sucre. Et ben donc, la farine dans la farine, pâte. Oui. Le beurre. Et puis, ça fait le compte. Et les œufs. Il y a des œufs. Oui, vous aviez tout. Il y a du lait. De l'eau de Javel. Des cerises avec le noyau. Et des cerises. Montmorency. Oui, parce qu'avec la queue, c'est moins bon. Non, mais le vrai clafoutis, c'est avec les deux. Avec la queue, on les attrape. Donc, l'engagement a été rempli. Oui. Vous m'avez donné comme tous Maurice. Les ingrédients. Le point est marqué. Ah, bravo. Plus fort. Alors, plus fort, les non, c'est bien que Julien soit là parce que c'est lui qui fait toutes les blagues que je fais d'habitude sur Maurice. Ça me repose. Non, mais comme, ça me repose. Voilà, comme j'ai vu que tu avais un peu mal à la gorge, j'ai plus de mal à la tête. Alors, heureusement que Frédéric n'a pas oui. trop mal à la tête. Ah, car chaque semaine, nous avons un petit peu d'actualité dans l'émission. Et donc, on nous l'impose. C'est un flash. C'est un flash très spécial. Flash très spécial. Eva Joly hésite à soutenir François Hollande au second tour vous des présidentielles. Vous m'a fait appeler. Oui, en 2012. À cause de sa position sur le nucléaire qui n'est pas très précise. Alors, Madame Joly, expliquez-nous. Non, je n'hésite pas du tout. Si cette couille molle ne ferme pas les centrales nucléaires, je l'atomise dès le premier tour et j'appelle à voter Marine Le Pen. Parce que vous pensez que Marine Le Pen fermerait les centrales nucléaires si elle était élue? Ah, mais j'en suis sûr. Hein. Elle est persuadée qu'Areva, c'est une immigrée polonaise. La direction de France Télévisions a choisi la prochaine représentante à l'Eurovision. C'est Angoune, la chanteuse Angoune. Monsieur Nicolas Sarkozy, j'imagine que ça vous réjouit. Non, honnêtement, je vais vous dire, Philippe Bello, je n'ai rien à péter de l'Eurovision. En plus, je comprends pas pourquoi France Télévisions a été choisir cette Pakistanaise d'Indonésie pour nous représenter. Hein. Non, ça va être encore comme l'année dernière avec le ténor de Fête Foraine, là, Amaury Vassili. On va se retrouver avant-dernier de la classe, derrière les chanteurs de Yougoslavie, de Mauritanie, de Serbie, de Croatie, d'Afrique du Sud, je sais pas quoi. Enfin bref, ça va encore nous foutre la honte. Moi, je vous le dis comme je le pense, honnêtement, si j'avais pu, je vous aurais envoyé ma Carlita. Malheureusement, elle peut pas parce qu'elle se fait têter. Ah, mais depuis Marie-Myriam, la France en fait n'a jamais réussi à gagner l'Eurovision. Écoutez, je vous le dis tout net. Enfin, Philippe, pas tout net, mais enfin, je vous le dis tout net. Depuis Marie-Myriam, est-ce qu'on a réussi à gagner quelque chose, hein? Depuis Marie-Myriam, le chômage a augmenté, la dette de la France a augmenté, les salaires ont diminué, les inégalités sociales se sont accrues. Quand j'analyse tout ça, tout compte fait, je me demande si c'est pas à cause de cette chanson de merde. De Marie-Myriam à l'Eurovision, l'oiseau et l'enfant, que la France est dans cet état-là. Ah, nous venons d'apprendre que Tristan Bannon va faire ses débuts sur Paris Première en tant que chroniqueuse. Dominique Strauss-Kahn, une réaction? Écoutez, Julie Leclerc, ou Philippe Leclerc, Julie Bello, je ne sais plus. Tristan Bannon, je l'ai bien connue. À l'époque, elle n'était pas chroniqueuse à Paris Première. Elle était plutôt grosse niqueuse à Sarcelles derrière. Les 29 plus gros théâtres privés parisiens décident de boycotter la prochaine cérémonie des Molières. Alors, Frédéric Mitterrand, forcément, ça vous fait réagir. Petit four et cocktail, grande cérémonie et long discours. Le théâtre récompense le théâtre de création avec un grand cul. Je ne comprends pas pourquoi le théâtre privé refuse de soutenir et approuver une cérémonie longue, chiante, qui dure des plombes sur le service public, qui vise à récompenser les meilleurs théâtres subventionnés, où il y a bien souvent plus de monde sur scène que dans la salle, où tout le monde se fait chier. Mais c'est la loi du théâtre quand on veut aider ses amis et financer ses petits copains. J'ai d'ailleurs pris la décision formelle que si les théâtres privés ne soutenaient plus la cérémonie des Molières, je leur couperais toute la subvention. Ah mais attendez, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre de la Culture, aujourd'hui vous donnez aucune subvention aux théâtres privés. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, pour les faire chier, j'en donnerai encore plus aux autres. Ah oui. J'avais prévu. Alors, juste après cette courte pause, une nouvelle épreuve dans l'émission, c'est l'épreuve du trivial. Ah! Je vais tirer au hasard. Oui, ça fait des années que tu tires au hasard. Deux cartes dans le boîtier du trivial, une carte par équipe. Vous allez voir ça, c'est juste après cette courte pause. Et toujours avec Florine et Stéphane. Ouais. Retour d'On va se marrer avec Mars et Vénus, la fameuse pièce actuellement à l'affiche à Paris. Excellent. Hein. Maurice. Maurice, à l'affiche à Paris. Maurice, c'est pas prêt. Non, je suis pas prêt. Bah, comment c'est pas prêt? Il a une feuille à. Mais non, il a pas une feuille, il en a 72. Mais je crois que c'est à cause de lui qui a la moitié de la forêt de l'Amazonie qui a été ratiboisée. J'ai perdu la feuille. Mais c'est le bureau du juge Courroy qu'il a sur la radio. Bon, on va le faire de mémoire, c'est à la grande. Oh, bah alors de mémoire. Alors, déjà qu'avec la feuille. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors allons-y, de mémoire. Alors, si vous voulez voir Vénus et Mars, c'est ça, non? Mars et Vénus. Oui, c'est pareil. C'est comme le tiercé, hein, quand on l'a dans l'ordre ou dans le désordre, ça rapporte. Oui. Exactement. C'est au théâtre La Grande Comédie, au 40 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement à Paris. C'est du mardi au dimanche, et le dimanche, vous avez une séance à 17h et 20h. C'est le samedi. Ah, c'est le samedi? Samedi 17h, 20h et dimanche 17h uniquement. Bon, bah, t'es viré. Donc, pendant cette courte pause, j'ai tiré au hasard. Oh, j'ai pas vu le hasard, là. Deux cartes. Ah, bah voilà, maintenant que c'est plus la peine, il a retrouvé sa feuille. Une carte par équipe, 6 questions par carte. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions. Chaque question valant un point. Vous vous souvenez de Guilux? Souvenez-vous des explications de jeu de Guilux, vous allez voir. C'est très simple. Chaque question, c'est un point. Si toutefois, vous avez la réponse sans vous concerter, c'est-à-dire sans demander à ses amis, et que donc vous êtes capable de donner la réponse, vous dites « cache ». Donc tout s'arrête, vous donnez la réponse, et si c'est la bonne réponse, c'est 2 points, 2 points. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la main passe à l'équipe adverse qui peut donner la réponse et marquer le point à votre place. Je n'ai pas compris, il y a qui dans mon équipe, encore. Les deux vieux, là. Voilà. C'est avec Maurice donc, et Bob. Voilà, donc il y a le vide sidéral avec Frédéric, Stéphane et Julien. Et le trou noir avec Bob, Florine et Maurice. Voilà. Il y en a deux qui sont plutôt poivre et sel. Donc, elle est pas noire non plus. Oui. Alors, est-ce que je peux continuer? Il faut dire que les trous noirs, c'est quand même des lumières qui s'éteignent. J'ai donc deux cartes. Je fais toujours choisir à Bob en premier, parce que sinon il dit que c'est triché, qu'on a machin. De toute façon, c'est truqué. Voilà. Alors, la tout carte est sous le contrôle d'un huissier de justice. Tu préfères laquelle? Pour une fois, j'ai une jeune fille avec moi. Alors, la une, celle-là ou la ou celle-ci? Ben, c'est la une. Allons-y. Celle-ci. La une. Voilà. Donc je repose. Il faut bien regarder où il la met. Hein. Voilà. Et là, je garde la carte une. Voilà. Où se trouvent Graz et Linz? C'est une question de géographie. Oui, on a bien entendu. Où se trouve Graz, G-R-A-Z, et Linz, L-I-N-Z. L-I-N-Z. Linz. Moi, j'ai bien une idée. Ben, vous pouvez vous consulter. Hein. Vas-y, Bob. Parce que vous n'êtes pas en cash. En Allemagne. En Allemagne. Il faut dire cash. Ah, non, c'est pas cash. Ils se sont consultés. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je dirais plus à l'est, moi. Mais là, c'est trop tard. C'est trop tard, maintenant. La main est passée à l'équipe adverse. Stéphane, tu m'as dit que c'était spécialiste en géographie. Tout à fait, oui. Donc, Stéphane, une idée? L'Autriche. C'est correct. Oh, bravo. C'est qui, au hasard? C'est ce que tu voulais dire, peut-être. La Bob la mauvaise, hein, je te le dis tout de suite. Deuxième question. Tu vois que t'es fort en jeu. À quel grade John Ford a-t-il été élevé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Comment, Bob? Une idée, les filles? C'est une question d'histoire. À quel grade John Ford a-t-il été... tu sais, le cinéaste. C'était un réalisateur qui a fait beaucoup de films de western avec John Wayne, notamment. Voilà. Et il a fait donc la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été élevé à un grade à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il était bon. Caporal, non? Caporal? Non. Non, mais moi je dirais bien. Capitaine. Capitaine? Vas-y, capitaine. Ou comment. Comment c'est le sergent? Sergent. Aux États-Unis. Officier? Ah oui, mais ça c'est. Adjudant? Ça c'est vague. Colonel. Alors vous me dites, il faut une réponse quand même là maintenant que vous vous êtes consulté au hasard. Allez Maurice. Non, je crois que quand Bob a dit vas-y Bibiche, il pensait pas à Maurice. Non, non. Ce que j'appelle Bibiche, c'est plutôt Florine. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit quoi, capitaine? Au capitaine, mon capitaine. Allez capitaine. Capitaine. Non. Moi j'aurais dit colonel ou général. Alors peut-être colonel. Colonel, on va dire. Pourquoi pas, allons-y. Non, ou carrément général, peut-être. Le général. Général. Vice-amiral. N'écoutez pas systématiquement ce que vous souffle René. Hein. Quel est le nom de la famille royale de Suède? Krisprolch. Le nom? Ah, le nom de famille, oui. Le nom de famille de la famille royale de c'est Suède. C'est Napoléon qui l'a envoyé là-bas. Oh là là, oui. Oui. Gunther. Il en a fait voyager du monde. En plus, Bob qui boit plein de tisane, tu devrais connaître ça. L'éléphant. On s'est pas concerté, là. Non. Non. Cash, Bernadotte. Oui, correct. Bravo. On peut applaudir, on peut applaudir. Bernadotte. On sait jamais, bon. Ah oui, Cash, 2 points, pardon. Mais c'est Napoléon qui l'a envoyé. Quels étaient les prénoms des frères Goncourt? Ah, ils étaient deux. Je sais pas, les marchands de dynamite, là. Ils avaient deux prénoms, de toute façon. Oui, bah deux, ils avaient deux prénoms. Avec Nobel. Ah oui, c'est Nobel, les marchands de dynamite. Non, c'est art et littérature. Et il était tout seul. Alors. Vas-y, Bibiche. Les prénoms des. Dans le micro. Parce que moi, je me fais engueuler tous les jours. Tiens, vous pourrez rajouter un sketch dans le spectacle. Les animateurs de radio. Moi, j'ai aucune idée. Non. Ah, si vous savez pas, vous pouvez pas l'inventer. Hein, ah oui, ça, non. C'est sûr. Non, non, c'est pas. Donc, au hasard. Alain et Alex. Non. Non, c'est pas ça. Non, ça c'était les frères Terrier. Oui, c'est vrai. Et Edmond et Jules, je crois. Oui. Alors Cash. Non, il y a pas de Cash. Il y a pas de Cash. Et on s'est concerté. Edmond et Jules. Oui, Edmond et Jules. Ah oui, bah. Mais tais-toi quand je triche. Quelle partie du corps humain? Ça, c'est une question pour Maurice. Oh. Ah non, mais là, il faut savoir que je joue pas pour gagner, mais pour tricher. C'est une question de science et nature et Maurice fait le en cash. Là. Oui, mais tu sais que Maurice est très rancunier vis-à-vis de la nature. Non, quelle partie. Enfin, c'est une question d'anatomie. Non, mais laissez-le répondre. Non, je ne veux pas répondre. Quelle partie du corps humain est lubrifié par le fluide lacrymal? Ah. C'est les yeux. Très bien. Mais il a pas dit cache. Les yeux, très bien. Cache les yeux. Oui. Ouais. Bah, tu as pu voir grand chose. Ah, il a pas dit cache. Hein. Si. Il l'a pas dit dans le. Eh, ça, personne n'a parlé. On peut remettre la bande. Hein. En quelle année les 24 heures du Mans ont-elles été disputées pour la première fois? Il y a un delta ou il faut l'année précise? L'année précise. L'année précise. Tu pourrais... C'est pas sympa. Tu pourrais faire un delta de 2 ans. Parce que sûrement Frédéric doit connaître, sûrement. Non, je pense pas. Est-ce qu'on a l'année de création de la ville de Le Mans? Moi, je dirais 48. Ville de Le Mans. 48, Allez, 48. 48, oui. Non. Non, je pense que c'est beaucoup plus tôt que ça. Ça va être dans les années 30, moi, je dirais. Mais je peux me tromper. Ah. Ah. Ça nous arrange pas. Donc, tu me dis... Comment? Tu me dis? Je te dis quoi? Je te dis bonjour, ça va? Tu vas bien? La famille, tout ça, ça va? Quand même qu'on rende l'antenne à un moment ou à un autre. 34? Allons-y. Allez, 34. C'est pas loin, c'était 1923. Ah, bah, ah. Bravo! Ah oui, bravo, oui. Alors attention! Bravo le trou noir. À la fin de cette carte, l'équipe du trou noir a 5 points dans sa cagnotte. L'équipe du vide sidéral, pour l'instant que 3 points, mais nous n'avons pas encore fait votre carte. Ah! Donc tout n'est pas joué. Tout à fait, on va marquer des points dessus. Compte là-dessus. Donc je vous propose une courte pause. Oui. Et puis juste après, on revient pour votre carte. Stéphane, t'es prêt ou psychologiquement? Pas encore. Bon, eh bien alors on peut. Courte pause et on revient avec Florine et Stéphane. À tout de suite. Retourne, on va se marrer. Avec Florine et Stéphane de la pièce Mars et Vénus, théâtre de la Grande Comédie à Paris. Alors Florine, le Rubik's Cube, c'est parce que tu t'embêtes ou pour te déstresser? Non, c'est parce que j'aime bien avoir les mains occupées. Ah, ah bah Bob, peut te désirer. Donc la pièce va partir en plus. En plus la sienne, elle est de la même couleur. Mais hein. Pas de la même taille. Alors la pièce va partir en tournée? Ou pas, vous savez pas encore, vous avez des pistes? On a des pistes, oui. Pour l'instant, pas de date précise. Mais effectivement, il y aura des dates en province de prévues. La pièce est déjà jouée à Lyon, à Nantes, à Nice, à Marseille et à Lille. Et à Avignon, le festival? Et à Avignon, évidemment, au festival. Ouais. Bah, d'accord. Vous nous tiendrez au courant. Bien sûr, avec plaisir. Oui. Voici votre carte. Oui, rigole maintenant. Allez, cache. Là, va falloir réfléchir. De quelle île Hobart est-elle la capitale? Simpson. Hobart Simpson, oui, elle est très bonne. Oui. Une question de géographie. Stéphane, tout à l'heure, tu étais fort. On a le spécialiste de la géographie. Oui, mais... Alors, une île entre le ciel et l'eau. C'est pas l'Autriche. Il essaye de lire sur les lèvres de... Pas du tout, je discute avec... Je me concerte avec Julien. Pas parce que s'il essayait de lire sur les lèvres, ce serait pas sur les miennes. Je reparle à ça. Stéphane, une idée? Mais pas trop, non. C'est une île qui existe toujours ou quand oui, les... non, elle existe toujours. Moi, au hasard, je dirais la Tasmanie. C'est correct. Diable. Parce que quelqu'un a soufflé ou pas quoi? Pas du tout, c'est... On a le droit d'avoir de la culture, c'est René, merde. C'est René qui a soufflé. Attention, hein, parce que s'il y a soufflage... Mais il n'y a pas cache, là. Il y a perdage. Ah bah non, il n'y a pas cache. Quelle est l'arme du crime Ah. Dans Frenzy d'Alfred Hitchcock? Cache... Ah, merde. Non, c'est pas ça. Oui. Cravate. C'est correct. Qui était commissaire général des fortifications sous Louis XIV? Ah. J'hésite entre deux, en fait. Ah. Alors, on va se concerter. Moi, j'irai Vauban. Ouais. C'est Vauban, ouais. Vauban, alors. Vauban. Oui, c'est correct. Ça méritait un cache, quand même. Ah, oui, oh. Excuse. Non, ouais. Non, ouais. De quelle science Clio est-elle la muse? Je dirais la mécanique auto. Non, c'est pas ça. C'est pas les bagnoles. Ah, j'ai rien dit. C'est pas les bagnoles. Clio, alors le théâtre. Bon, de toute façon, on a une chance sur 7 hein, finalement. Ah oui. Oui, non, mais c'est une science. Hachoum, prof, Simplet. Ah bah Simplet, il est chez vous. Simplet, il est chez vous. Bon, hasard, frère. Clio. Musique, Non, une science. La musique, c'est pas une science. Ah, si. Ah bon ? Non, non, mais... Une science ou un art, t'as dit ? De quelle science ? Ah, de quelle science ? Clio est-elle la muse ? Stéphane, t'as le droit de jouer. Julien aussi. Je cherche. Ah oui ? Mais tu trouveras pas. Hein. Non. Creuse. Allez, la physique, au hasard. La physique. Non. Non, la médecine, bien sûr. C'était l'histoire. Ah. Et oui, il y a un club en plus qui s'appelle le club Clio, qui fait plein de voyages dans le... Vous connaissez pas ce club ? Ah bah je connaissais, j'en connaissais une qui avait perdu son mari, la veuve Clito. Clico. Quel est le plus gros ? Alors attention parce que c'est moi. Bob généralement, oui, c'est, non, ça, il va pas pouvoir contester. Quel est le plus gros satellite de Saturne ? Ça m'étonne que Fred trouve pas, lui qui va au cinéma toutes les semaines et qui s'en enfile. Ah ben, tu devrais l'aider. Popcorn. Je sais pas. Mais quel con. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez une idée, les filles ? Non, vas-y. Non, non. Moi, non. J'ai aucune idée, moi, là-dessus. Europe. Et il s'enfile des Europes. Ah, je sais pas. Alors, Eskimo. Oui, lequel ? Nico. Titan. Ah, Titan. Hein. Bon, on se alors, calme, quel Mister Freeze pays au fond, là. L'Argentine a-t-elle battu en finale de la Coupe du Monde de foot en 1978 ? Voilà. Ce qui veut dire que Stéphane n'était pas né. Non. Mais par contre, tu t'intéresses au foot, peut-être, non ? Qui l'Argentine a battu, hein, c'est ça ? Je demande quel pays l'Argentine a battu, oui, en 78 ? Conneries comme l'Italie. Ah non, c'est à nous, pardon. Oui, c'est à vous. Là, oui. C'est à qui ? C'est à eux, c'est à eux. C'est à eux. T'as une idée ? Une connerie comme l'Italie ? Non, l'Allemagne. L'Allemagne, l'Italie, de toute façon. D'accord. Toujours les mêmes. Allez, on laisse Stéphane choisir. L'Allemagne ou l'Italie ? Nous, on dit l'Allemagne ou l'Italie. Après, t'as le droit de dire autre chose. Tout à l'heure, t'as dit l'Autriche, plante. Ça a marché. Ah ouais, ça va, ça. Peut-être pas à tous les coups. Bon, allez, l'Allemagne. Allez. Eh bien, non. Non. Moi, alors, t'as une idée ? Moi, je dirais la France. Ah non, non. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Allez, vas-y, Bob. Non, non. Bob, t'as moi, une je dirais l'Angleterre ou l'Italie. Ah, ah. Ou le Brésil. Choisir, hein. Ou le Brésil. Comme ils disent en Pologne, boire ou conduire, non, de rare, toute façon, ça. On s'en fout, on n'a pas de voiture. Ça, c'est rare. Non, on va dire l'Italie, ça vous plaît, l'Italie ? Oui, l'Italie, oui. Alors, on va dire l'Italie. Voilà, c'était les Pays-Bas. Ah, alors... Attends, c'est pas mal quand même, parce que du coup vous avez repris la main, hein, le vide sidéral. Donc là on est à 7 points d'un côté, 5 de l'autre, 2 points à remonter. Ah, Bob, tant hein. Mieux pour moi. Hein. Pourquoi ? Oui, mais on a la bah, photo 2 mystère. Points à remonter. Il y a la photo mystère, Maurice. Oui, encore. Oui. Et alors, avant de retrouver dans quelques instants Florine et Stéphane pour un deuxième extrait du spectacle, moi j'ai vu tout à l'heure que Florine savait bien improviser avec Maurice. Et ça nous a donné une idée pendant la pause. On s'est dit tiens, on pourrait refaire la même blague avec Stéphane, mais cette fois-ci c'est Maurice qui fait la cliente pour voir si c'est aussi, parce que tout à l'heure il faisait le commerçant. Donc là, la blague de Maurice avec Stéphane, dont Maurice dans le rôle de la cliente. Ça va être quelque chose. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Non, après... Mademoiselle. Bonjour monsieur, je voudrais des vibromasseurs. Mais non, c'est des godmichets. Ah, des godmichets. Oh là là. Oh. Eh, les vibros, c'est aussi, hein, c'est pareil. Oui, bon. C'est pareil, connasse. Eh, dis donc. Bah, bon, allez, Boris. Allez, on recommence. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Il me fera toujours rire. Arrêtons-nous là. Bonjour. Allez, vas-y, maman. Je voudrais des sex shops. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais il faut l'interner. Vous inquiétez pas, il fait pas exprès. Hein. De quoi, Fred ? J'y suis pour rien, moi. J'y suis pour rien, j'étais mauvais, des Cathy. Non, bave. Non, Fred, c'est le grand Julien, là, oui. Cette salope. Elle m'a mis du BHV dans mon verre. Du PH. Oh là là là là. On est en train de perdre tout le monde. Il va mourir. Oh là. Ah oui, ça j'aime mettre le bazar. Hein. Du BHV dans mon verre. Oui. Bon, bah, je crois qu'il faut recommencer. On a perdu l'animateur. Allez, on y retourne. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Profitez-en, c'est les soldes. Ah bon? Je voudrais des vibromasseurs. Non. Oui. Non. J'ai eu des gones Michel. Voilà. Ah, bah voilà. Vibromasseur. Bah quand gones tu t'appliques. Michel, bon, oui, et tu vas pas nous faire une thèse non plus. Mais là, faut la refaire, là. Pour que ça soit propre depuis le début. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je désirerais des gones Michel. Oui, très bien. Vous avez Qu'est-ce que vous avez dans votre magasin? Bah, vous avez une préférence, il nous vaut de la taille, de la couleur. Oh, proposez-moi ce que vous avez de mieux. Eh bien, pour vous, j'ai... j'ai ce qu'il vous faut. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? J'ai un 30 cm pour vous. Ah, c'est déjà pas mal, hein, en plus. Oui. Et en plus, mais vous n'avez pas plus non, grand. C'est toi qui le fais, pomme. Ah oui, non, mais vous n'avez pas mais plus ben, grand. Après, on va pas y passer la journée. Alors non, 30 cm, c'est notre plus grand modèle. Et celui-là qui est un tout petit peu en retrait, là. Oui. Le rouge, là. Le grand rouge. Le grand rouge. Ah oui. Oui, je vois pas de quel modèle. Enfin, c'est juste à côté, là, en dessous, ah oui, mais... en dessous de l'étagère. Mais c'est l'extincteur, ça, madame. Ah. C'est vrai que les deux versions sont différentes, ah oui, hein, oui, mais elles sont bonnes aussi. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'avec Stéphane, Maurice est troublé. Ce que j'aime bien, c'est le « Bonjour madame ». Bon, allez, après la pause, là, on rigole plus parce que c'est à vous de nous faire un petit extrait. Ah bah si, on va rigoler. Oui, encore, que... bah oui. Allez, on revient avec Florine et Stéphane juste après cette pause. À tout de suite. Retour, on va se marrer avec Florine et Stéphane. Ouais. Mars et Vénus. Alors, on imagine donc que Vénus c'est Florine et Mars c'est Stéphane. Non, ah c'est l'inverse. Ah, pardon. Ah, si Mars et Vénus, on va pouvoir faire l'émission. C'est bon, c'est là. Oui. Je te remets une étoile sur Billet Réduc. Ah, s'il te plaît. Remets-moi une étoile. Voici donc un nouvel extrait du spectacle avec Florine et Stéphane. Ouais. Oui. Ah là là là là, et dire que j'ai arrêté mes études pour te suivre. Non mais je te jure. Non mais j'aurai mon cabinet aujourd'hui. Ah, tu me fais bien rigoler, tu venais de louper ta deuxième année de droit pour la troisième fois quand je t'ai sauvé de la honte et de la misère. Quoi? Non mais tu dis n'importe quoi là. Attends, et moi j'ai sacrifié ma carrière pour la tienne. Bon, faut dire que si t'avais passé un petit peu moins de temps à draguer l'autre pouf de Sabrina, t'aurais peut-être pu te consacrer un peu plus à ton examen du barreau, hein? Ah ouais, eh ben c'est sûr que le barreau, je risque pas de l'avoir. Pardon? Monsieur fait de l'esprit, non mais je rêve. Mais t'aurais peut-être préféré épouser Adeline. Adeline, mais c'est qui Adeline? Adeline, la connasse de prépa, qui arrêtait pas de te faire les yeux doux, là, Adeline. Adeline de la fac. Ouais, Adeline, ouais. Mais tu dis n'importe quoi, toi. Arrête, mais tu crois que je l'ai pas vu minauder avec ses grands yeux de biche en rut, là? Tu peux me prêter ta gomme, s'il te plaît, Stéphane? Et ton gros crayon aussi? Ok, c'est bon, t'as fini, là? Et la jalousie t'égare, ma pauvre. Hein. C'est ça, ouais. En attendant, moi, monsieur, je suis devenue avocate, alors qu'elle, en ce moment, je suis sûre qu'elle est en train de faire le tapin à Maubeuge ou je sais pas où. Bah, n'importe quoi, elle est directrice artistique chez McDo. Directrice artistique chez McDo? Non mais franchement, le truc qui sert à rien, sérieux, ça veut dire... Non mais elle fait quoi, sérieux? Elle design les frites? La suite. J'aimerais bien savoir si ça existe. C'est un métier d'avenir en tout cas. Alors si vous voulez voir la suite, c'est au théâtre La Grande Comédie. C'est tous les mardis, mercredis, jeudis et dimanches à 20h. Et le samedi, vous avez une représentation à 17h et 20h. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Alors là, si vous voulez les horaires du Monoprix, faut y aller. Hein. C'est le vendredi, ils jouent pas donc. Non, en gros, c'est du mardi au dimanche à 20h et les samedis à 17h et dimanche 17h. Voilà. Et samedi 17h et 20h. Oui. Voilà. Non, mais depuis le début de l'émission, il n'a pas dit au vendredi. En gros, du mardi au samedi à 20h, voilà. Et séance supplémentaire le samedi 17h et dimanche 17h. Voilà. C'est quand même pas compliqué, Maurice. C'est surtout que c'est écrit, quoi. Oui, on s'en fout, non Comment ça, on s'en fout? Non. Il y a des gens qui viennent nous voir. Voilà. Qui viennent... Et toi, tu dis, on s'en fout. Ah oh, non, mais, non, je mais c'est hallucinant. Bon, Jean-Pierre Coff, on se calme. Oh. Jean-Pierre Coff. Ah non. Moi, je refais pas la Maurice. Non, mais c'est plus des lunettes qu'il faut à Maurice, c'est un chien. Non, mais pour qu'on puisse l'avoir correctement, Maurice. Alors, c'est. Alors, la suite. C'est au théâtre La Grande Comédie, 40 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement. De Paris, c'est à Paris, bien sûr. Ah, bah oui. Ah, le 9e arrondissement de Paris, c'est à Paris, monsieur. Oui, oui. Alors, voilà. Une petite question de rapidité, c'est la première équipe qui répond, qui marque le point. Sacha Guitry. Bonne réponse de Frédéric Coster. Quel personnage de roman est apparu pour la première fois dans le roman intitulé La mystérieuse affaire de Steele? De Styles, Hercule Poirot. Hercule Poirot, oui. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale de l'équipe du Vide Sidéral. Ouais, décidément, hein, voilà. Frédéric Coster, qui est incollable, ah et qui bah connaît. Sur Agatha Christie, oui, j'en connais un rayon. Toute l'actualité aussi. Ah oui? Ah, oh, je lis pas trop, moi, les journaux. Si, je crois que tu t'intéresses à l'actualité. Mmh. Allez, un petit flash très spécial, allez, histoire de prendre un petit peu de nouvelles de Séraphine Ouagamoudou. Ah. Moudou. Le maïs transgénique est de nouveau autorisé en France. Une réaction de la présidente de l'association des restaurateurs de la Goutte d'Or à Paris, au restaurant Le Singe qui fume, Séraphine Ouagamoudou Moudou. Ouais, quoi? C'est le singe qui fume, abruti! Alors, personnellement, moi j'accepte tout le monde dans mon restaurant gastronomique, hein. Les transgéniques, les transsexuels, les transalpins, tout le monde est le bienvenu! Pour découvrir une cuisine riche, où chez moi, on cuisine tout au beurre ou au sandou. Excusez-moi, mais la question c'est, est-ce que vous ne craignez pas d'utiliser des organes génétiquement modifiés? Mais je crains personne, moi! Le premier qui m'emmerde, il finit dans mon ragoût Ouagamoudou spécial, relevé avec une pointe d'ail pour faire ressortir le goût du sandou. Et en plus, chacun il fait ce qu'il veut avec son organe, si ça lui plaît de le faire modifier, hein? Mon ex-mari, par exemple, il avait un organe énorme. On n'arrivait pas à le faire passer, même avec du sandou. On l'a fait modifier à l'hôpital de Coco Sinakome, un petit village de mon cher pays, le Burkina Faso. Hein, ils lui ont chié 20 centimètres. Je les ai récupérés pour faire des cannellonis pur bœuf. Il a dû souffrir atrocement. Mais pas du tout. Je suis pas folle. Je lui ai fait bouffer une boîte de pastilles Rémy. Pour faire passer la douleur de son sexe coupé à la scie. Non, pour parvenir à digérer mes cannellonis pur bœuf en douille. Hervé Morin, le président du nouveau centre, a annoncé sa candidature au présidentiel. Alors Valérie Giscard d'Estaing, vous qui êtes un modèle pour le centre, qu'en pensez-vous? Écoutez, quand j'ai entendu l'annonce de cette candidature, ça m'a fait quelque chose. Ça m'émeut. J'avais déjà la candidature de François Bayrou, qui faisait la ligue. À l'époque, à l'UDF, donc au centre, on cherchait le consensus pour gagner. Maintenant, on a pléthore de comptes tout court pour perdre. Je vais vous faire un aveu. Je me retourne dans ma tombe. Même si je suis pas encore mort, je me retourne quand même. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez lu mon nouveau livre, Mathilda? Parce que chaque année, lorsque je retourne en Namibie, je rends visite à la tombe de Mathilda Schloss. J'aide l'épisteur namibien qui m'accompagne à arracher, nettoyer les broussailles pour dégager les bougainvillées qui l'entourent. J'attends qu'il s'éloigne. Ça y est, vous êtes parti? Oui, voilà. Oui, très bien. Alors, je dépose sur elle le bouquet maladroit des fleurs que j'ai pu rassembler. Quand je ne serai plus là pour l'accomplir, me demandais-je qui viendra le faire à ma place pour que le temps n'enfouisse pas sous ses décombres le souvenir de Mathilda. Ah, c'est très beau, dites donc. Mais vous connaissez bien la Namibie? La Namibie? Ah, bah, puisque vous me posez la question, j'ai une très belle histoire. Ah! Chaque année, lorsque j'entends en Namibie, je rends visite à la tombe de Mathilda Schloss. J'ai l'épisteur namibien qui m'accompagne, n'est-ce pas, arracher les toits des broussailles pour dégager les bougainvilliers qui l'entourent. J'attends qu'il s'éloigne. Ça y est, vous êtes parti? Oui, voilà! Alors, je dépose sur elle le bouquet maladroit des fleurs que j'ai pu rassembler. Quand je ne serai plus là pour l'accomplir, me demandais-je. Qui viendra le faire à ma place pour que le temps ne fouisse pas sous ses décombres, le souvenir de Mathilda? Mais non, mais vous connaissez le livre par cœur? Quel livre? Mais ma Mathilda, votre nouveau livre. Ah, mais puisque vous parlez de Mathilda, laissez-moi vous raconter une histoire aujourd'hui. Chaque année, lorsque je retourne en Namibie, je rends visite à la tombe de Mathilda Schloss. Eh, hey, Buana, eh, hey, te casse pas le cul, hein, ta Mathilda, elle a fini dans mon ragoût Wagamoudou spécial. Ah, rebondissement dans l'affaire DSK. On ne sait toujours pas qui était dans la chambre voisine de celle de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel de New York. Arrêtez! Arrêtez! Je vous ai déjà dit où j'allais à l'hôtel. Ah, Jean-Pierre Elkabbach. C'était pas moi au Sofitel parce que je vais à la Mamounia à Marrakech. Répondez! Répondez, Philippe Bello. Enfin, Jean-Pierre, oui, enfin, Jean-Pierre Elkabbach, on parle pas de Marrakech, on vous parle du Sofitel de New York. Qu'est-ce que vous voulez que je foute au Sofitel de New York? J'y vais jamais, y a que des putes et des barbouzes des services secrets. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des agents de sécurité de l'hôtel qui ont été filmés en train de danser suite à l'interpellation de Strauss-Kahn qu'on peut penser que ce sont des barbouzes des services secrets français. Ah bon? Et c'était quoi d'après toi? Des danseurs de Lori? Moi, je vous le dis, Laurent Gérard se retourne dans sa tombe. Bon, eh bien, la suite de ces aventures pittoresques... À la Grande Comédie... Ah non, c'est pas la même. C'est juste après cette courte pause. Restez avec nous, on revient avec Florie et Stéphane. Retournons à se marrer avec Florie et Stéphane. Alors, on vous précise, parce qu'on a eu des appels à la station, que bien entendu, Maurice n'essaye pas de caser de la publicité clandestine dans l'émission. Non, tout non. À l'heure, quand il parlait de BHV, il voulait dire... De l'eau. Du GHB. Bon, du GHB. Du GHB. Bon. Je suis HB, allez. Pourquoi... Ben ça, on va le rediffuser. Pourquoi donc, de Mars et Vénus, c'est le titre de la pièce dans laquelle jouent Florine et Stéphane actuellement. Et comme on les a avec nous, on en profite. Un nouvel extrait du spectacle en direct pour nous. Ah oui. Ça y est, elle est enceinte. On devrait plutôt dire au secours, elle est enceinte. Non mais sans déconner, hein. Et moi je pensais que j'allais avoir la paix. Hein. Ah bah je pourrais sortir tranquillement avec mes potes, pendant qu'elle resterait à la maison en me disant « Non, vas-y sans moi, je suis barbouillé ce soir. » Mais non, hein, on est passé de « Je veux un bébé, je veux un bébé !» à « Je veux tout et n'importe quoi !» Et surtout n'importe quoi. Chérie, j'ai envie de coquillettes. Des coquillettes ok. Attends, attends, attends, attends, reviens, reviens. Non, j'ai envie de foie gras. Du foie gras, bon, ok. Oui, non, attends, attends, attends. Oh, reviens, reviens. Non, en fait, j'ai envie de chocolat. Ah oui, c'est ça. J'ai envie de coquillettes au foie gras avec du chocolat râpé. Ok, tu veux pas s'emballer un Mars non plus, là? Ah oui. Ah, avec du Mars fondu, tu sais, c'est une bonne idée. Non, mais ça va pas, la tête. Bah, mon chéri, c'est pas moi qui ai envie. C'est le bébé. Oh, mais que le bébé, il a envie de manger, je peux comprendre, mon amour, hein. Mais il a envie de me faire chier, hein. Je suis pas sûr que ça vienne de lui, ça. Moi, je suis sûr que vous entendez dans la salle chaque fois des gens dire « Ah, tu vois, t'es comme ça !» Les commentaires. Alors, Maurice. Oui. Alors, si vous voulez voir la suite du spectacle Mars et Vénus, c'est au théâtre La Grande Comédie, 40 rue de Clichy dans le 9e arrondissement à Paris. C'est métro Clichy, Trinité ou Liège. C'est tous les mardis au vendredi à 20h, le samedi 17h et 20h, et le dimanche à 17h. Oh yeah. Alléluia. Alléluia. Ah, on nous signale en technique que ton micro n'était pas branché. Connasse. Oh, t'es élégant. Ah bah oui. Mais merci Saint-Trita, hein, quand même. Hein. Bon, alors, puisque vous avez été sage, voici une épreuve attendue par les auditeurs de la station. C'est l'épreuve de la photo mystère. Donc, je confie à Maurice chaque semaine une photo mystère. Le but du jeu étant de faire découvrir ce qu'il a sur sa photo, sans prononcer les mots du nom de la photo mystère. Et en plus, il a un mot interdit qu'il n'a pas le droit de prononcer non plus. Pour éviter justement de perdre du temps, parce que quelquefois, ah oui, on lance le chrono et Maurice n'est pas prêt. C'est vrai. Là, c'est lui mais qui lance. Mais ça, c'est rare, il est toujours prêt. Voilà. C'est lui qui lance le chrono. Je suis toujours prêt à la vôtre. Oui. Attention, Maurice, c'est ton jeu, là. Hein. Donc, tu lances le chrono quand tu veux. Et c'est pour nous? Oui, c'est je pour commence, vous. Oui. Alors, stop. C'est d'une matière c'est une matière de fer. Matière de fer. Oui, c'est en fer. C'est en fer. Voilà, oui, parce que pour Bob. Voilà ce qu'on a appris en 10 secondes. Si tu m'avais pas interrompu. C'est toujours de la faute des autres. Une idée, Bob. Une matière, un clou. Non. La main passe. 10 secondes pour l'équipe des vides sidérales. On peut le trouver. Stop. On peut le trouver sur un rail. On peut avoir du cuir dessus aussi. Sur un rail. Oui. Un train. Alors. Oui. Un wagon, un train. Un wagon de train, oui. Un wagon de train. Une rame de métro. Un wagon de train. Non. Bon. Là, 10 secondes pour on ton peut, équipe. On peut le trouver sur un rail, Jean-Luc Delarue. Pas actuellement. Non, et concentre-toi. Avant de dire stop, dès que tu dis. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu dises stop et hop, t'embrayes sur ce que t'es, les infos. Tu me regardes. Non. C'est pas du mime, Maurice. Non, je ne te regarde pas. Stop. On peut trouver une ceinture. Une ceinture. C'est très très utile pour les personnes âgées. Ah. On peut le trouver dans une maison. Ah, Bob, on le trouve sur un rail, c'est ça qui me gêne. Ah, moi ça m'arrange. Hey, tu devrais y penser. Pense à chez toi, Bob. Tu devrais y penser pour bientôt. C'est un, on a le droit de répondre. Ah oui. Vous avez non, vous êtes... Florine, non, tu te tais. Concerter. Excuse-moi, vous n'avez pas le droit de répondre, vous avez le devoir de répondre. Il faudrait donner une réponse. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait penser au je sais pas comment ça s'appelle. Ah, bah, au siège qui monte l'escalier là pour les papiers. Ah oui, bah un monte-escalier. Dans, voilà, tout à fait. Quand dans Gremlins là, quand elle sort par la fenêtre là. Un monte-escalier. Voilà, oui. Ouais, c'est ça. Alors vous dites un monte-escalier automatique. C'est ça. Oh, oui. Oh là. Alors déjà 2 points de marqué. Et le mot interdit. Était... Alors le qu'est-ce mot... que tu penses de ascenseur comme mot interdit? C'est le mot qu'il n'avait pas le droit de prononcer et qu'il n'a pas prononcé. Qui est un mot qui vous aurait fait trouver tout de suite. Oui, ouais, ascenseur, ouais, ça me paraît bien. Ascenseur. Non. Bon. Fauteuil. Oui. Ah, et un point marqué de l'autre côté. Voilà, un point, enfin, 2 points d'un côté, 1 point de l'autre. Bah, c'est bien joué. Bravo, et là, Maurice. Et cette semaine, il a bien assuré. Il l'a bien fait. Oui, mais c'est parce que ça, c'est un objet qu'il connaît bien. Bon, allez, pour vous récompenser, une petite tournée de blagues. Ah. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Maurice. Il n'y a pas de coup. Une femme raconte à une de ses amies, c'est grâce à moi qu'il est devenu millionnaire. Et avant, qu'est-ce qu'il était ? Milliardaire. Vous connaissez la différence entre le 69 et le 51 ? Non. Le goût. C'est léger, c'est frais. C'est mignon. Papa, pourquoi t'as épousé maman ? Ah, toi aussi, tu te poses la question. Une jeune fille vient de passer un semestre complet dans un pensionnat pour jeunes filles. Attention, imitation de la jeune fille. Réputée très stricte. C'est les vacances et la mère et la fille profitent de ces retrouvailles pour papoter. Maman, il faut que je te parle, je vais te dire un truc. Ouais. Attends 2 secondes, je garde le camion. Je voulais te dire, je suis plus vierge. Oh bah écoute, je vais te dire un truc. Ah, c'est bien la voix de quelqu'un qui a les moyens d'envoyer sa fille en Suisse. Oui. Je suis pas surprise, hein. Tu sais, je m'en doutais, hein. Je me doutais bien avec ton âge et tout ça que ça allait arriver tôt ou tard. Bon, j'espère simplement une seule chose, c'est que cette expérience a été romantique pour toi. Ah oui maman, oui vraiment oui. Ah ça me réjouit alors oui. Oui, les 8 premières fois c'était formidable, mais à partir de la 9e ça a commencé à me faire mal. Docteur, je viens vous voir, je suis inquiète parce que mon fils n'arrête pas de faire des sculptures avec son caca. Oh, ben ne vous inquiétez pas, madame, ils font tout ça, hein. Oh, ben vous me rassurez, docteur, hein, parce que sa femme commence à se faire du souci. Bonjour à nos amis belges. On les embrasse. Pourquoi t'as pris l'accent belge? Je trouvais que c'était plus drôle avec. Mais on les embrasse, on les adore. Moi, tout ce qui vient de Genève, Berne, tout ça, je les adore. Stéphane. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les naines n'utilisent pas de Tampax? Non. Parce qu'elles trébuchent sans arrêt sur la ficelle. C'est dommage, j'en ai pas le temps, sinon parlé de Mimi Mathy. Avec ses bottes, non. Ah oui, ah, si elle est bien. Oh, oui, non, on n'a pas le temps. Deux copains qui se retrouvent et puis qui discutent, et il y en a un qui se renseigne un petit peu, qui demande à l'autre, qu'est-ce que tu fais, toi, après l'amour? L'autre, il dit, bah, écoute, un peu comme tout le monde, moi, je fume une petite cigarette, et toi? Bah, écoute, moi, je me dépêche de partir avant que tu rentres. Alors, on arrive en fin d'émission et dans quelques instants, oui. Frédéric Koster, ici présent, va nous le sortir. Oui, je le sors toutes les semaines. Oui. Son petit quiz. Ah oui, le petit quiz. C'est un petit quiz musical. Donc, papier crayon à la maison. On revient juste après cette courte pause avec Florine et Stéphane. Oui. Retour Donbass Marais. Avec Florine et Stéphane. Mars et Vénus, c'est le titre de leur pièce actuellement à l'affiche du Théâtre de la Grande Comédie à Paris. Au 40 rue de Clichy dans le 9e arrondissement. C'est tous les mardis au vendredi à 20h, le samedi à 17h et 20h et le dimanche à 17h. Voilà, les places. Et vous pouvez avoir des places sur Billets Réduc. Bien sûr, et Fnac, Ticketnet, tous les revendeurs, bien sûr. Alors, en fin d'émission, chaque semaine, Frédéric nous le sort. Oui, le petit quiz. Le petit quiz. Et cette semaine, comme nous recevons les comédiens de Mars et Vénus, je vous ai fait un quiz homme-femme. Sur les relations hommes-femmes, ça parle des hommes, ça parle des femmes, ça parle des deux. Il y a 8 interprètes à découvrir. Ah non, tiens, j'ai pas pensé à mettre Rudy, j'aurais pu le mettre. Non, mais tu vas voir, il y a 8 interprètes à découvrir. Il y en a des très faciles, il y en a des très difficiles et quelques introuvables. Enfin, introuvables. Pour toi, Bob. Ah, merci. Et le premier, comme ah ben, ça, le premier, moi, je le trouve toujours. Oui. C'est le plus facile. Oui. Et c'est le jingle. Ah, ouais. C'est bien. Dans le guignon toujours présente, quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain. Ni... Un homme couvert de femmes peut parfois prendre froid quand il perd un peu de sa flamme. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon. Extraordinaire. Hein. Florine, je t'ai pas vu beaucoup noter. Elle a rien noté. elle aime pas les chansons, Florine. Tant que je comprenne, il fallait noter un truc, on était déjà en troisième extra. C'est pareil pour moi. Mais enfin bon, après, elle a quand même pas noté. Quand oui, même, elle a voulu copier sur Bob. Mais elle est pas blonde. Oui, mais Bob, il en a trouvé. Enfin, j'en ai trouvé plusieurs, mais je retrouve pas les noms. Alors. Ah oui. Ça m'arrange pas bien. Et donc, Stéphane. Donc Stéphane, il en a noté deux, dont un de bon. J'ai le troisième là, mais on a noté. Je peux te dire, en voyant ta feuille, on a noté deux, dont un de bon. Bah on va faire comme Maurice. Oui. On la décompose. Bonne idée. Bah de toute façon déjà Maurice a trouvé le premier. Le jingle. Ah. Il a failli hésiter. Il a pas trouvé le premier. Bon alors priorité aux invités s'ils ont trouvé. Hein. Georges Brassens évidemment. Ouais, c'est Georges. Mais ça, tu connais, Florine. Ah, tu vois. Alors, c'est qui qui chante? C'était des marins. Mais non, pas des marins, des soldats. Elle te fait. Soldats. On te souffle. Soldats. Soldat Louis. Alors après, Bob. Bon, les jeunes la connaissent pas, bon, mais Bob, tu la connais. Ah. C'est alors, Marie Laforêt. Tu vois Marie Laforêt chanter ça? Ah oui, tout à fait. Oh, non, okay. Elle a un prénom de gars. Ah, c'est celle d'après, alors. Marie Laforêt. Pas du tout. Non. Charlotte. Gainsbourg. Julien. Oh, Charlotte Julien. Ah, connais pas. Au je suis une fleur de province. Ah, c'est elle qui chante ça. Bon, après, c'est pour les jeunes. Hein. Ah. Alors, Stéphane, là. Mieux sec. Ah bah bravo quand même. Qui ça? Mieux sec. Alors ça c'est pour Bob. Ah bah ça c'est la petite d'Avignon là. Mmh. Voilà, je retrouve pas son nom. Choupinette. Mireille Mathieu. Ah bah quand même. Alors Bob tu dis Léo Ferré. Pas du tout. Jean Ferrat. Ah c'est Jean Ferrat. Oui c'est long. C'est Maurice. Ah voilà. Alors là Stéphane a trouvé. Ah oui. Stéphane, là, tu l'as trouvé. Bananarama. Bravo. Ah, ah oui, elle parle de Vénus. Oui. Alors, c'est normal. Bon, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Serge Lama. Ah, très bien. Youpla. Bon, malgré des réponses difficiles, parce que c'est vrai que c'est pas toutes de votre génération, je crois qu'on peut quand même applaudir nos invités qui ont quand même donné des réponses. Oui, oui. Surtout Stéphane. Bon, Florine fera revenir, hein, parce que. Faudra acheter un crayon, surtout, hey. Florine. Ah, excusez-moi. Oh. J'ai oublié les acclamations de Don Salus. Ah. Alias Frédéric Coster. Viva Don Salus! Viva Don Salus! Monsieur est beau. Oui, c'est bien. Je sais pas s'il vous acclamait, là, Don Salus. Non, il m'acclamait pas. Ah non, monsieur est grand. Attention, là, nous arrivons dans un moment crucial. Ah, crucial. Les trous noirs ont capitalisé 7 points. Ah. Quand même. Le vide sidéral. Donc oui. Votre équipe, hein, oui. Stéphane, Frédéric et Julien. Oui. Non, ils ont 9 points. Ah. Donc vous pouvez partir vainqueur parce que vous avez gagné. Oui. Ou bien tenter un quitte ou double et là les écraser, marquer 18 points. Et ce quitte ou double, si vous l'acceptez, consiste en un petit jeu tout simple, une petite partie de ni oui ni non. Ah, bah. Je suis parti. Maurice, reste là. Ah, non, non, non. Donc vous choisissez, si vous êtes d'accord pour faire un quitte ou double, pour remettre en jeu votre. Oh oui. Ah, mais c'est si vous voulez. Hein. Oh oui. Il faut qu'il choisisse un de nous trois. Voilà. Et donc vous devez choisir pour la partie de ni oui ni non. Flo. Au hasard. Flo. Au hasard. Stéphane, tu choisis Flo. Qui? Maurice, évidemment. Ah. Ah bah quand même. Bah oui. Ah, bon. Alors Maurice. Bon bah Maurice, va falloir que tu t'y colles. Hein. Ouais, c'est au hasard. Hein. Ça fait des années qu'il colle. Pas de oui, Maurice. Pas de nom pendant une minute au chronomètre. Ça va être dur, hein. T'es sûr? Top. T'es sûr que ça va être dur, Maurice? Peut-être. Bah parce que t'es plutôt bon à ce jeu-là d'habitude. Ça fait long. Sûrement. Ça fait longtemps que t'es dur ou que t'es plus dur? C'est toujours mou. Ah, c'est oh, c'est vrai? C'est toujours mou. Ah bon? Peut-être. Non mais arrête de dire peut-être. Ouais, hein, tu joues pas à un moment. Non, et tout à l'heure, arrêtez. Il a bien joué. À un moment donné, faut affirmer. Il a bien joué tout à l'heure avec le. Vous êtes mauvais joueur. Oui, hein, mais ça absolument c'est vrai. Pas. Ils sont très mauvais joueurs. Non, pas du tout. Si, ils sont très mauvais joueurs. On n'est pas mauvais joueurs. Tricheur. Ah, tricheur maintenant. Peut-être. Tricheur peut-être, mais pas mauvais joueur. Et ce sexe. On accepte volontiers de vous perdre. Mauvais coéquipier. Et ce sexe shop. Alors, comment tu l'as trouvé, Stéphane? Parfait. Ah, tu pourrais presque faire du théâtre avec. J'y pense. T'aimerais bien faire du théâtre en fait. Au point virgule. Mais t'as été danseuse. J'irai à la Grande Comédie. Mais t'as été danseuse nue au Crazy. Porte de Clichy. Jamais. Est-ce que tu resterais sur le trottoir rue de Clichy? Il fait froid. Oh, oh là là là là là. Bon René, t'as pas assez corsé son whisky coca. Hein. Donc, je dois déclarer l'équipe des trous noirs vainqueur grâce au ni oui ni non de Maurice. Vous pouvez remarquer que ça fait 2 semaines de suite qu'il gagne. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Maurice joue de mieux en mieux, n'est-ce pas Maurice? Je m'entraîne. Entraîneuse. Donc, il va falloir quand même courir à la Grande Comédie. Ah, oui. Ah n'est-ce pas, Maurice? Oui. Perdu. Mais, c'était plus le jeu à la Grande Comédie pour voir Mars et Vénus. C'est au théâtre La Grande Comédie, 40 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement à Paris. Métro Clichy, Trinité ou Liège, vous vous débrouillez quand même. C'est... C'est tous les mardis au vendredi à 20h, le samedi 17h et 20h, et dimanche 17h, Floride. Ah bah, avec ça, si on remplit pas la salle. Ah bah ouais. À mon avis, c'est pas la salle que vous allez remplir. Mais Maurice va venir déjà. Maurice. Bien sûr, on va tous y aller. Ah. Maurice, tu n'as le droit qu'à une invitation, pas deux. Hein. Bon, ça va, cette expérience. Je ne viens jamais accompagner, moi. Cette expérience n'a pas été trop difficile, Florine? Non, c'était très sympathique. Pas trop douloureux? Un peu traumatisante. Ah ben c'est ça. Mais c'est pas grave, on vous réinvitera. Tu veux rentrer comment? Ah, t'as joué la carte de l'honnêteté, toi. Ça, c'est quand on n'a pas assez de seins doux, en général. Eh bien, on va vous remercier encore une fois, merci. Florine. Bon, merci beaucoup. Merci. Bravo. Des choses importantes à noter. Oui, notez. Si vous voulez réentendre l'émission, le podcast, c'est sur iTunes chaque semaine en direct. Sinon, il y a les anciennes émissions sur onvasemarrer.com, toutes les anciennes émissions. Et puis la page Facebook pour voir la photo de l'émission. Et puis écouter toutes les petites bêtises qu'on vous met chaque semaine. Le flash très spécial, les blagues de Maurice. Adresse email, Maurice, pour les blagues. C'est radio.ovsm@gmail.com. Merci de votre patience. À la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Oh.